Ay, a ton nom est fidèle. Manoué, assis mal et l'emba. Il ne m'accadre pas. Manoué, il ne m'a victoré. Il ne me dolote pas. Manoué, assis mal et l'emba. Monsieur Marguerite, ma mère. Écoutez ceci. Tata Manon, les femmes d'Afrique, Dolo et Sawe, Witewane et Timou. Commandement d'amour, il n'est plus question de regarder ailleurs, mon amour. Dungo Alliance. je t'ai offensé.